C'est plus quoi que j'ai fait. C'est pour nous traquer quoi qu'on le sait pas. A la money dans la sévère. J'arrive des quartiers les plus chauds de la savane. Lara ta savane stano. J'vais tous les savants stanner. Armani Ferragamo. Le rêve est soigné, soigné. Young and rich, young and rich. J'veux le dessus du démon comme Tiz. J'ai fait le tour de leur bis. J'ai fait le tour de ces nazis. Gigi, j'ai gâté le mood, oh my god. Elle est trop debout, mais trop conne. Je la prends debout dans les shots. Je l'emmènerai ma part au resto. Wow, son homme public. Pensez tous que t'es un snitch. Yeah, tu parles leur mèche. T'as vendu la mèche en 20 mic-mil. Yeah, son homme public. Pensez tous que t'es un snitch. Ouais, ouais, tu manges avec nous. Tu vomis tout chez la police. Ouais, ouais. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ma confiance est en parabella, elle est plus en l'âme. Mais t'es pas le chalot, ta choix te pigeonne. Même si tu racontes que des mythos, comme à l'âge de Bijan. Dans le fond du bloc, mais à la bébé des gros, galoche Marie-Jeanne. Je suis abonné, ouais, je suis abonné. Parce que je dis la vérité, je suis pas abonné. Faut ta police, ouais, faut ta police. Et tous ces politiques comme Marie qui nous produit. H24, le run, t'aimais pas pour percer dans le foot. 9 mm, c'est ganté, on fait des trucs de fou. Génération racisme et printemps arabe, oh yeah. Génération pour des pesos, tenu taras, oh yeah. Et le juge nous condamnera pour un 12 mèches de robe, la tarbi. Parce que pour lui, on est bon qu'à ça. Remplir les prisons comme nos casiers. Et le juge nous condamnera pour un 12 mèches de robe, la tarbi. Parce que pour lui, on est bon qu'à ça. Remplir les prisons comme nos casiers. Oh baby, remplir les prisons comme nos casiers. Oh baby, yeah. Remplir les prisons. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ma confiance est en parabella, elle est plus en l'âme. Mais défait pas le shadow, à toi te pigeonne. Même si tu racontes que des mythos, comme à la télévision. Dans le fond du bloc, mais Harvey Ménégo, Garonne Marie-Jeanne. Ma gamme, on s'est en parabellum, elle est plus